Dialogue triste, Octave Mirbeau, le pauvre pêcheur. Il ne faut pas toujours dire d'un homme qui tient un poisson à la main, c'est un pêcheur. Judith Gauthier. L'intérieur misérable d'un bateau de pêcheur amarré sur le fleuve contre la berge. Il fait sombre, il fait froid. Une lueur très pâle, une lueur sourde de nuit sans lune, entre par deux petites lucarnes, éclaire vaguement, çà et là, la pièce basse, remplie de pesantes ténèbres. Près d'un poêle sans feu, la mère est assise sur un escabeau et allait un nouveau-né. Une grande fille de 15 ans est couchée sur un matelas fait de guenilles entassées. 6 enfants grouillent dans l'ombre. Les uns pleurent et se plaignent, les autres dorment. Au dehors, le vent siffle et secoue les plaques de zinc dont est recouvert le toit du bateau. Le fleuve clapote. De temps en temps, les trains de bateaux passent le long de l'autre berge. Leurs machines gémissent et hurlent dans la nuit. Quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Il doit être tard. Je ne sais pas. Voilà si longtemps déjà qu'il fait nuit. Il me semble qu'il y a déjà plusieurs jours qu'il fait nuit. Il doit être tard. Est-ce qu'il pleut ? Je ne sais pas. Je n'entends pas la pluie, je n'entends que le vent. Mon Dieu, comme le vent est brutal contre notre pauvre bateau, comme il le secoue. Est-ce qu'il va pleuvoir ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des trous là, et que le zinc ne tient plus, et que vous serez mouillé. Il fait si froid. J'aimerais mieux être dans une maison de pierre. Puisque personne ne voulait plus nous loger. Sans doute, sans doute. C'est bien triste d'être pauvre. On ne vous donne plus rien. On fait peur au monde. Il doit être tard. Il ne passe plus personne sur le chemin. Je n'entends plus personne nulle part. Il doit être tard. Et puis quand on n'a pas mangé, il semble qu'il est plus tard encore. Amélie ? Quoi ? Regarde s'il y a encore de la lumière aux fenêtres de Monsieur Rateau. Pourquoi faire ? Pour savoir s'il est tard. Je suis fatiguée. Je suis couchée. Ça n'avancera à rien. Regarde tout de même. Quel vent ! Non, il n'y a plus de lumière aux fenêtres de Monsieur Rateau. Il n'y a plus de lumière aux fenêtres de Monsieur Rateau ? Alors il est bien tard. Amélie ? Eh bien ? Regarde si les réverbères du pont sont éteints. Oui, les réverbères du pont sont éteints. Les réverbères du pont sont éteints ? Alors il est très tard. Amélie ? Quoi ? Regarde si tu entends du bruit vers l'auberge du pont. Non, je n'entends pas de bruit vers l'auberge du pont. Tu n'entends pas de bruit ? Alors il est très, très tard. Regarde s'il pleut. Il y a de gros nuages noirs dans le ciel, mais il ne pleut pas encore, il y a trop de vent. Vois-tu l'eau de la rivière ? Oui, je vois l'eau. Tu ne vois pas de barque sur l'eau ? Non. Je crois qu'il est tard. Je crois qu'il est plus tard qu'hier. Oui, je crois qu'il est plus tard. Où es-tu ? Je ne te vois plus. Je suis couchée. J'ai tant marché aujourd'hui. Le père ne rentre pas. Il tarde bien à rentrer. Il doit être saoul. Encore. Sais-tu si Hubert est rentré ? Oui, Hubert est rentré. Sais-tu s'il a du poisson ? Je ne sais pas, mais il n'y a plus de poisson. Personne ne prend plus de poisson. Ah, le père tarde trop. Il est peut-être arrivé un malheur. Quel malheur ! Tu dis ça tous les jours. Ah oui, un malheur. Il est saoul et il nous battra en rentrant. Dieu veuille qu'il vienne avec du poisson. Parce qu'il ne nous battra pas. Du poisson ? Il n'y a plus de poisson. Voilà plus de 15 jours qu'il n'y a plus de poisson. J'ai peur qu'il ne soit arrivé un malheur. Ah. Ça vaudrait peut-être mieux qu'il soit arrivé un malheur. Ne dis pas ça, ne parle pas comme ça. Et qui donc te nourrirait, mauvais enfant ? Nous crevons de faim. J'ai faim. Je froid. Écoute. 11 heures. C'est qu'il est saoul alors. Il sera encore arrêté au barrage. Il aura bu. Mon Dieu. J'ai froid. J'ai faim. Allons, dormez. Jules, pourquoi ne dors-tu pas? Marie, veux-tu bien ne plus crier? Dormez. Dormez. Dodo. Faites dodo. Moi aussi, je vais dormir. Je n'en puis plus de fatigue. Je n'ai plus de lait. Mes seins sont vides. Amélie. Laisse-moi. Je vais dormir. Tu es sûre que nous n'avons plus de pain? Non, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de chandelle non plus? Non, il n'y a plus de chandelle. Laisse-moi, je vais dormir. Je n'aime pas beaucoup l'obscurité quand ton père rentre. Il me semble que ça le rend encore plus en colère. Amélie, alors il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Laisse-moi dormir. C'est de ta faute aussi. Pourquoi n'as-tu rien rapporté aujourd'hui? On ne m'a rien donné. Tu sais bien qu'on ne me donne plus rien. On me chasse de partout. On me dit que je suis une voleuse. Il y a trop de pauvres maintenant sur les routes. Et puis nous sommes trop pauvres. Quand nous n'étions pas si pauvres, on nous donnait encore quelquefois. Maintenant, nous sommes trop pauvres. Écoute, il me semble que j'ai entendu un bruit d'aviron près du bateau. Mais non, c'est le vent qui fait clapoter l'eau du fleuve. Ne me parle plus, je voudrais dormir. Je te dis que j'ai entendu un bruit d'aviron près du bateau. Mais non, c'est l'eau qui pousse le chaland contre le bateau. C'est le porteur 26, je le reconnais à sa voix. Il remonte à Paris chargé de vin. Sais-tu si le père a emporté son tonneau? Je ne sais pas. Oui, je crois qu'il l'a emporté. S'il avait pris du poisson, il pourrait l'échanger contre du barda. On boirait du barda, ça réchauffe. Ça trompe la faim, ça rend moins triste. On est moins pauvre. Amélie? Amélie? Elle dort, ils dorment tous. Je voudrais bien dormir, moi aussi. Il me semble que le vent s'apaise. Le bateau craque moins fort. Minuit? Il ne rentre pas. Où est-il? Que fait-il? Mon Dieu, que j'ai mal à l'estomac. Ça me brûle. Ça me dévore. Et s'il n'a pas de poisson? Oui, le vent s'est apaisé. On ne l'entend plus. Je voudrais de la lumière. Quand ils dorment tous, ça me fait peur. Amélie, Amélie, le ciel est tout noir, il n'y a plus de vent, il pleut, mais il pleut. Oh, comme il pleut. Je ne vois rien sur l'eau, il n'y a pas de barque. Oh mon Dieu, il pleut dans la chambre. Il pleut sur les petits, il pleut sur Amélie, il pleut sur moi. Oh, comme ils vont être mouillés. J'ai faim. Allons, dormez, dormez, dormez.